50 languages. 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 Conversation 1 Conversation 1 خذ راحتك تفضل ارتاح Mettez-vous à votre aise. Mettez-vous à votre aise. البيت بيتك. Faites comme chez vous. Faites comme chez vous. ما تحب أن تشرب. Que voulez-vous boire? Que voulez-vous boire? أتحب الموسيقى? Aimez-vous la musique? Aimez-vous la musique? أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. J'aime la musique classique. J'aime la musique classique. هذه أقراص المدمجة. Mes CD sont ici. Mes CD sont ici. أتعزف على آلة موسيقية؟ Jouez-vous d'un instrument de musique? Jouez-vous d'un instrument de musique? هذه قيثارتي. Voici ma guitare. Voici ma guitare. أتحب الغناء؟ Aimez-vous chanter? Aimez-vous chanter? ألديك أطفال؟ Avez-vous des enfants? Avez-vous des enfants? ألديك كلب؟ Avez-vous un chien? Avez-vous un chien? ألديك قطة؟ Avez-vous un chat? Avez-vous un chat? هذه هي كتابي. Voici mes livres. Voici mes livres. حاليا أقرأ هذا الكتاب. En ce moment, je lis ce livre. En ce moment, je lis ce livre. ما تحب أن تقرأ؟ Qu'est-ce que vous aimez lire? Qu'est-ce que vous aimez lire? أتحب الذهاب إلى الحفلة الموسيقية؟ Aimez-vous aller au concert? Aimez-vous aller au concert? أتحب الذهاب إلى المسرح؟ Aimez-vous aller au théâtre? Aimez-vous aller au théâtre? أتحب الذهاب إلى دار الأوبرا؟ Aimez-vous aller à l'opéra? Aimez-vous aller à l'opéra?